Section 11 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 11, Les amours de Gilles, livre 4e, Isabelle, par Louis Morin, chapitre 2, Misère de Paquette. Paquette s'était-elle aperçue du changement d'humeur de Gilles? Oui, depuis longtemps, elle en souffrait en silence, étant de celles qui sont faites pour subir le martyr, sans plainte et sans révolte. Elle avait senti tout de suite, avec cette inquiétude toujours éveillée des femmes aimantes, que l'affection de son mari décroissait. Ses baisers n'étaient plus les mêmes, une lassitude s'y mêlait. Lorsqu'elle lui jetait ses bras autour du cou, dans un geste qui lui était familier, elle ne rencontrait plus le regard sincère qu'il avait autrefois. Il lui semblait même que les yeux de son mari, quoique fixés sur elle, regardaient ailleurs, souriaient à quelqu'un qui n'était pas là, et bien qu'elle se serrât contre sa poitrine et qu'elle entendît son cœur battre, elle le sentait loin, très loin d'elle. Pauvre petite femme, un soupir involontaire gonflait sa poitrine et ses mains se tordaient dans une angoisse douloureuse sur l'épaule de l'indifférent. Cependant, elle ne disait rien et cachait ses larmes, craignant par-dessus tout d'être importune. Ils ne sortaient presque plus ensemble, si ce n'était pour aller au théâtre ou en revenir. L'obligation de tenir compagnie à la mère Pulcy fournissait toujours à Gilles un mauvais prétexte. « Emmène-moi, Gilles !»« Non, ma mignonne, il faut que tu restes près de ta mère !» Paquette restait, mais elle se désolait de ses abandons, qui devenait de plus en plus fréquent. Quand elle ne jouait pas, il revenait tout seul du théâtre, mais il rentrait de plus en plus tard. C'était les Granacelli qui l'avaient amené souper. Pulcinelle, que l'on avait accompagné en troupe au Ridotto pour assister à l'essai du moyen sûr qu'il prétendait avoir trouvé de faire sauter la banque. Bientôt même, Paquette connut d'autres douleurs. Il revint plusieurs fois ivre, hébété, et il fallut qu'elle le couchât comme un enfant, en renfonçant ses larmes et en cachant le dégoût qu'il lui causait alors, malgré tout l'amour qu'elle avait pour lui. Elle passait la nuit sur une chaise. Le lendemain, il était tout honteux d'être retombé dans son vieux péché, et c'était une raison pour qu'il s'en alla plus vite, la tristesse de sa femme, son muet reproche lui causant une gêne insurmontable. Il avait cependant des retours vers elle. Quelqu'une de ces grâces naïves qu'il aimait tant naguère lui rappelait les tendresses passées. C'était un rien quelquefois, un geste d'une élégance subtile, trois notes de son rire léger, quand un moment de joie lui revenait. Avec l'ombre de tristesse qui descendait sur elle depuis qu'elle était malheureuse, elle avait parfois pour lui le charme mélancolique de tout ce qui décroît, l'attrait des choses qui se fanent et finissent. Il s'attendrissait du mal qu'il faisait et dans de sincères abandons, il lui demandait pardon d'offenses dont il ne parlait ni l'un ni l'autre. Vint la nuit douloureuse où il ne rentra pas du tout au logis. C'était la dernière insulte, l'abandon. Certes, elle soupçonnait bien que, s'il l'aimait encore, ce n'était que par caprice, mais elle ne pouvait se convaincre qu'il en aimât une autre. Et quelle autre ? Elle n'avait pas du tout remarqué sa familiarité avec Florise. Florise était si bonne, si affectueuse pour elle, et elle se faisait si indifférente pour Gilles quand Paquette se trouvait là. Pourquoi passer la nuit tout entière dehors cependant? Était-il descendu jusqu'à se laisser entraîner par l'une de ses filles dont les casinos étaient pleins? Puis l'inquiétude se mêla au dépit. Venise, quoique assez sûre à cause de la terreur qu'inspirait sa sombre police, avait un si grand nombre de canaux déserts que les bravis y pouvaient commettre de temps à autre des crimes ignorés. Gilles avait-il été victime de quelque vengeance? Quant à croire que, pris d'ivresse, il avait roulé quelque part, ce n'était guère probable. Pulcinelle et le docteur, les compagnons inséparables de ses parties, ne le laissaient jamais en détresse. Il le conduisait invariablement jusqu'à sa porte et tirait pour lui le cordon de la sonnette. En bons ivrognes qui ont l'habitude de porter le vin et qui ne suivent jamais leur chemin si droit que quand tout tourne autour d'eux. Les premières lueurs du jour trouvèrent Paquette accoudée tristement au balcon qui donnait sur le canal. Depuis le milieu de la nuit, elle était là, chassée de son lit par une douloureuse insomnie et prêtant l'oreille depuis des heures avec une patience attristée à tous les bruits qui venaient de la ville, au glissement léger des gondoles attardées et aux pas qui parfois résonnaient sur les quais ou dans les ruelles des environs. Un moment, vers le milieu de la nuit, elle avait songé à aller au logis de Pulcinelle ou à celui de Cornelio, pour savoir avec qui Gilles avait quitté le théâtre. Mais une honte et la peur de sortir seule, la nuit, l'avaient retenue. Et puis, n'allait-il pas revenir d'un moment à l'autre? Oh, comme le lever du soleil lui parut mélancolique. Du palais Foscari au Rialto, le grand canal s'éveillait doucement. Les premières lueurs glissaient sur les marbres, mais une brume blanche qui montait de l'eau répandait sur toute chose un voile d'une tristesse indicible. Gilles revint, bien tard. Il raconta l'histoire compliquée d'un souper auquel il avait été invité par les Granelleschi et qu'il avait accepté, croyant n'y rester que peu de temps. Mais un mauvais plaisant, ayant trouvé drôle de jeter les clés de l'appartement dans le canal, il avait fallu attendre le passage de la première gondole matinale pour envoyer chercher un serrurier libérateur. Gilles était bon acteur, et cependant il ne sut pas donner à cette fable l'accent de la vérité. Paquette, sans mettre en doute ce qu'il racontait, resta soupçonneuse, attristée. Si quelque chose eût pu la mettre sur la voie, c'eût été la tendresse que son mari lui témoigna pendant quelques jours. Mais Paquette était trop simple pour tirer de telles conclusions. Elle aimait tant Gilles que la moindre gâterie venant de lui la comblait de plaisir et qu'elle ne pensait qu'à jouir de ses moments de bonheur. Hélas, de plus en plus rares. Florise habitait un petit palais dans un quartier assez éloigné du centre de la ville, de la Rio della Madonna del Orto. Ce palais, que lui avait donné un sénateur fort riche, était meublé avec toute la recherche d'un logis seigneurial. Il y avait dans le vestibule, au bas du grand escalier, quelques-unes de ces lanternes de galère qui étaient, dans les maisons patriciennes, la preuve d'une antique illustration, d'une noblesse séculaire. Des trophées d'armes s'étalaient au mur, montant jusqu'au stuc de la voûte sur laquelle Tiepolo, en reconnaissant ses services que lui avait rendus Florise, avait peint Venise sous les traits de la maîtresse du logis. Une Vénus glorieuse, bizarrement drapée de rose et de jaune, dont la folle chevelure d'or montait toute droite et s'étalait en auréole comme un soleil dans le ciel bleu. Un large escalier de marbre conduisait à l'étage noble. Tout le long des parois, le peintre Longhi avait fait défiler une mascarade contemporaine pour laquelle les amis de la maison avaient posé dans leurs habits de carnaval. Le gracieux et véridique peintre, l'émule de Chardin, s'était élevé jusqu'à la grande décoration et avait trouvé pour cette fresque des notes grises qui s'harmonisaient d'une manière exquise avec la simplicité des marbres. Le vestibule était décoré de tableaux de chevalet. C'étaient des scènes d'intérieur de Longhi. Une leçon de danse, une séance de musique de chambre, la toilette d'une grande dame, des marines de Canaletto et de Guardi, non point la Venise rouge et orientale de la légende picturale, vue à de rares soleils couchants, mais la Venise de tous les jours, la Venise grise de nuances si délicates et que baigne un air léger. Il y avait au premier étage de grandes salles de réception où des rangées de fauteuils du siècle dernier semblaient en visite d'étiquette. Des toiles des anciens maîtres vénitiens s'alignaient au mur, étalant au milieu de cadres d'une richesse incroyable les splendeurs de leurs coloris. Mais Florise n'habitait qu'un petit appartement qu'elle avait fait décorer selon la mode la plus récente et où elle se sentait plus à l'aise que dans les salons de grand style. Elle aimait le goût baroque, les meubles d'André Broustolon, les verreries précieuses de Muran, les glaces de Venise gravées qui brillaient dans un rivage de volutes compliquées, les clavecins décorés et fleuris. Elle tenait au milieu de ses coquetteries un train de grande dame et recevait ses visites dans son boudoir, couchée sur une façon de sofa où elle gisait galamment au milieu des dentelles et des fourrures. C'était là que Gilles avait oublié la foi jurée à Santa Maria della Pietà, et c'était le souvenir de Séraphine qui l'avait fait succomber. Jamais il n'avait voulu encore venir chez Florise, mais elle avait supplié si vivement d'assister à l'une de ses leçons de danse et de lui donner ses conseils qu'il n'avait pu refuser. Le maître de danse n'était pas là. Gilles, arrêté au seuil du petit boudoir et regardant Florise étendue sur sa chaise longue, s'était cru devant Séraphine, dans la petite loge du théâtre de Padoue, reporté à 7 minutes de sa vie dont il avait gardé si présent l'inoubliable souvenir. Fin de la section 11, lue par Agnès, Hobby 2024.